où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. S'il était ménagé de ses habits, si les jours ordinaires il achevait d'user les vêtements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois mis comme l'est un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire flétrie, mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, un favori peint, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « Voilà un fameux gaillard !» Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure rayée par des rides prématurées offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée en disant « Ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trou, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquet et à quelques pensionnaires. Mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre, tant malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid, imperturbable, qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Vauquet. Lui seul jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec la veuve, qu'il appelait maman, en la saisissant par la taille, flatterie peu comprise. La bonne femme croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin seul avait les bras assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer généreusement 15 francs par mois pour le Gloria qu'il prenait au dessert. Les gens moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas directement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté, comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Souvent une boutade digne de Juvénal, et par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à fouetter la haute société, à la convaincre d'inconséquence avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à l'état social, et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Attiré peut-être à son insu par la force de l'un ou par la beauté de l'autre, Mademoiselle Taillefer partageait ses regards furtifs, ses pensées secrètes entre ce quadragénaire et le jeune étudiant. Mais aucun d'eux ne paraissait songer à elle, quoique d'un jour à l'autre le hasard peut changer sa position et la rendre un riche parti. D'ailleurs, aucune de ces personnes ne se donnait la peine de vérifier si les malheurs allégués par l'une d'elles étaient faux ou véritables. Toutes avaient les unes pour les autres une indifférence mêlée de défiance qui résultait de leurs situations respectives. Elles se savaient impuissantes à soulager leurs peines, et toutes avaient, en se les comptant, épuisé la coupe des condoléances. Semblables à de vieux époux, elles n'avaient plus rien à se dire. Il ne restait donc entre elles que les rapports d'une vie mécanique, le jeu de rouages sans huile. Toutes devaient passer droit dans la rue devant un aveugle, écouter sans émotion le récit d'une infortune,

Ces cadeaux lui rappelaient les solennités de sa vie domestique. Ceci, dit-il à Madame Vauquer, en serrant un plat et une petite écuelle dont le couvercle représentait deux tourterelles qui se becquetaient, est le premier présent que m'a fait ma femme, le jour de notre anniversaire. Pauvre bonne, elle y avait consacré ses économies de demoiselle. Voyez-vous, madame, j'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. Dieu merci, je pourrais prendre dans cette écuelle mon café tous les matins durant le reste de mes jours. Je ne suis pas à plaindre. J'ai sur la planche du pain de cuit pour longtemps. Enfin, Madame Vauquer avait bien vu de son œil de pie quelques inscriptions sur le grand livre qui, vaguement additionné, pouvait faire à cet excellent Goriot un revenu d'environ 8 à 10 000 francs. Dès ce jour, Madame Vauquer, née de Conflans, qui avait alors 48 ans effectifs et n'en acceptait que 39, eut des idées. Quoique le larmier des yeux de Goriot fût retourné, gonflé, pendant, ce qui l'obligeait à les essuyer assez fréquemment, elle lui trouva l'air agréable et comme il faut. D'ailleurs, son mollet charnu, saillant, pronostiquait autant que son large nez carré des qualités morales auxquelles paraissait tenir la veuve, et que confirmait la face lunaire et naïvement nièce du bonhomme. Ce devait être une bête solidement bâtie, capable de dépenser tout son esprit en sentiments. Ses cheveux en ailes de pigeon, que le coiffeur de l'école polytechnique vint lui poudrer tous les matins, dessinaient 5 pointes sur son front bas et décoraient bien sa figure. Quoique un peu rustaud, il était si bien tiré à 4 épingles, il prenait si richement son tabac, il le humait en homme si sûr de toujours avoir sa tabatière pleine de macouba, que le jour où M. Goriot s'installa chez elle, Mme Vauquer se coucha le soir en rôtissant comme une perdrix dans sa barde, au feu du désir qui la saisit de quitter le suaire du Vauquer pour renaître en Goriot. Se marier, vendre sa pension, donner le bras à cette fine fleur de bourgeoisie, devenir une dame notable dans le quartier, y prêter pour les indigents, faire de petites parties le dimanche à Choisy, Soisy, Gentilly, aller au spectacle à sa guise, en loge, sans attendre les billets d'auteur que lui donnaient quelques-uns de ses pensionnaires au mois de juillet. Elle rêva tout l'Eldorado des petits ménages parisiens. Elle n'avait avoué à personne qu'elle possédait 40 000 francs amassés sou à sou. Certes, elle se croyait, sous le rapport de la fortune, un parti sortable. Quant au reste, je vaux bien le bonhomme, se dit-elle, en se retournant dans son lit, comme pour s'attester à elle-même des charmes que la grosse Sylvie trouvait chaque matin moulés en creux. Dès ce jour, pendant environ 3 mois, la veuve Vauquer profita du coiffeur de M. Goriot et fit quelques frais de toilette. Excusée par la nécessité de donner à sa maison un certain décorum, en harmonie avec les personnes honorables qui la fréquentaient. Elle s'intrigua beaucoup pour changer le personnel de ses pensionnaires, en affichant la prétention de n'accepter désormais que les gens les plus distingués sous tous les rapports. Un étranger se présentait-il, elle lui vantait la préférence que M. Goriot, un des négociants les plus notables et les plus respectables de Paris, lui avait accordé. Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait « Maison Vauquer ». C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables sur la vallée des Gobelins. On l'apercevait du 3e étage. Et un joli jardin, au bout duquel s'étendait une allée de tilleuls. Elle y parlait du bon air et de la solitude. Ce prospectus lui amena Madame la comtesse de Lambert-Ménil, femme de 36 ans, qui attendait la fin de la liquidation et le règlement d'une pension qui lui était due en qualité de veuve d'un général mort sur les champs de bataille. Madame Vauquer soigna sa table, fit du feu dans les salons pendant près de 6 mois, et tint si bien les promesses de son prospectus qu'elle y mit du sien. Aussi la comtesse, disait-elle à Madame Vauquer en l'appelant « chère amie », qu'elle lui procurerait la baronne de Vaumerland et la veuve du colonel comte Picoiseau, deux de ses amis,

comme s'il se réveillait en elle quelque fantaisie, et dit « Aimez-vous la musique, monsieur ?»« Beaucoup, » répondit Eugène, devenu rouge et bétifié par l'idée confuse qu'il eut d'avoir commis quelque lourde sottise. « Chantez-vous ? » s'écria-t-elle en s'en allant à son piano, dont elle attaqua vivement toutes les touches, en les remuant, depuis luth d'en bas, jusqu'au fa d'en haut. « Non, madame. » Le comte de Resto se promenait de long en large. « C'est dommage, vous vous êtes privé d'un grand moyen de succès. »« Caharou, caharou, caharou, nom du bitaré, » chanta la comtesse. En prononçant le nom du père Goriot, Eugène avait donné un coup de baguette magique, mais dont l'effet était l'inverse de celui qu'avait frappé ces mots, parent de madame de Beauséant. Il se trouvait dans la situation d'un homme introduit par faveur chez un amateur de curiosité et qui, touchant par mégarde une armoire pleine de figures sculptées, fait tomber 3 ou 4 têtes mal collées. Il aurait voulu se jeter dans un gouffre. Le visage de madame de Resto était sec, froid, et ses yeux, devenus indifférents, fuyaient ceux du malencontreux étudiant. « Madame, dit-il, vous avez à causer avec monsieur de Resto. Veuillez agréer mes hommages et me permettre. » « Toutes les fois que vous viendrez, dit précipitamment la comtesse en arrêtant Eugène par un geste, vous êtes sûr de nous faire, à monsieur de Resto comme à moi, le plus vif plaisir. » Eugène salua profondément le couple et sortit, suivi de monsieur de Resto, qui, malgré ses instances, l'accompagna jusque dans l'antichambre. « Toutes les fois que monsieur se présentera, dit le comte à Maurice, ni madame ni moi, nous n'y serons. » Quand Eugène mit le pied sur le perron, il s'aperçut qu'il pleuvait. « Allons, se dit-il, je suis venu faire une gaucherie dont j'ignore la cause et la portée. Je gâterai par-dessus le marché mon habit et mon chapeau. Je devrais rester dans un coin à piocher le droit, ne penser qu'à devenir un rude magistrat. Puis-je aller dans le monde, quand pour y manœuvrer convenablement, il faut un tas de cabriolets, de bottes cirées, d'agrès indispensables, des chaînes d'or, dès le matin des gants de daim blanc qui coûtent 6 francs, et toujours des gants jaunes le soir. Vieux drôle de père Goriot va. » Quand il se trouva sous la porte de la rue, le cocher d'une voiture de louage qui venait sans doute de remiser de nouveaux mariés et qui ne demandait pas mieux que de voler à son maître quelques courses de contrebande, fit à Eugène un signe en le voyant sans parapluie, en habit noir, le gilet blanc, gants jaunes et bottes cirées. Eugène était sous l'empire d'une de ces rages sourdes qui poussent un jeune homme à s'enfoncer de plus en plus dans l'abîme où il est entré, comme s'il espérait y trouver une heureuse issue. Il consentit par un mouvement de tête à la demande du cocher. Sans avoir plus de 22 sous dans sa poche, il monta dans la voiture où quelques grains de fleurs d'oranger et des brins de canotille attestaient le passage des mariés. « Où monsieur va-t-il ? » demanda le cocher qui n'avait déjà plus ses gants blancs. « Parbleu, se dit Eugène, puisque je m'enfonce, il faut au moins que cela me serve à quelque chose. « Allez à l'hôtel de Beauséant, » ajouta-t-il à haute voix. « Lequel ? » dit le cocher. « Mot sublime !» qui confondit Eugène. Cet élégant inédit ne savait pas qu'il y avait 2 hôtels de Beauséant. Il ne connaissait pas combien il était riche en parents qui ne se souciaient pas de lui. « Le vicomte de Beauséant rue de Grenelle ?» dit le cocher en hochant la tête et l'interrompant. « Voyez-vous, il y a encore l'hôtel du comte et du marquis de Beauséant rue Saint-Dominique » ajouta-t-il en relevant le marchepied. « Je le sais bien, » répondit Eugène d'un air sec. « Tout le monde aujourd'hui se moque donc de moi, » dit-il en jetant son chapeau sur les coussins de devant. « Voilà une escapade qui va me coûter la rançon d'un roi. » Mais au moins, je vais faire ma visite à ma soi-disant cousine d'une manière solidement aristocratique. Le père Goriot me coûte déjà au moins 10 francs, le vieux scélérat. Ma foi, je vais raconter mon aventure à madame de Beauséant. Peut-être la ferai-je rire. Elle saura sans doute le mystère des liaisons criminelles de ce vieux rat sans queue et de cette belle femme. Il vaut mieux plaire à ma cousine que de me cogner contre cette femme immorale qui me fait l'effet d'être bien coûteuse. Si le nom de la belle vicomtesse est si puissant, de quel poids doit donc être sa personne ? Adressons-nous en haut.

accourt à la fenêtre et regarde Monsieur d'Adjuda pendant qu'il montait en voiture. Elle prête l'oreille à l'ordre et entend le chasseur répétant au cocher « Chez Monsieur de Rochefide !» Ces mots et la manière dont d'Adjuda se plongea dans sa voiture furent l'éclair et la foudre pour cette femme qui revint en proie à de mortelles appréhensions. Les plus horribles catastrophes ne sont que cela dans le grand monde. La vicomtesse rentra dans sa chambre à coucher, se mit à table et prit un joli papier. « Du moment, écrivait-elle, où vous dînez chez les Rochefide, et non à l'ambassade anglaise, vous me devez une explication, je vous attends. » Après avoir redressé quelques lettres défigurées par le tremblement convulsif de sa main, elle mit un C, qui voulait dire « Claire de Bourgogne » et sonna. « Jacques, dit-elle à son valet de chambre qui vint aussitôt, vous irez à 7h30 chez Monsieur de Rochefide. Vous y demanderez le marquis d'Adjuda. Si Monsieur le marquis y est, vous lui ferez parvenir ce billet, sans demander de réponse. Et s'il n'y est pas, vous reviendrez et me rapporterez ma lettre. Madame la vicomtesse a quelqu'un dans son salon. Ah, oh, c'est vrai, dit-elle en poussant la porte. Eugène commençait à se trouver très mal à l'aise. Il aperçut enfin la vicomtesse qui lui dit d'un ton dont l'émotion lui remua les fibres du cœur. « Pardon, monsieur, j'avais un mot à écrire. Je suis maintenant tout à vous. » Elle ne savait ce qu'elle disait, car voici ce qu'elle pensait. « Ah, il veut épouser mademoiselle de Rochefide. Mais est-il donc libre? Ce soir, ce mariage serait brisé, ou je... Mais il n'en sera plus question demain. » « Ma cousine, » répondit Eugène. « Hein ?» fit la comtesse en lui jetant un regard dont l'impertinence glaça l'étudiant. Eugène comprit ce « hein ». Depuis 3 heures, il avait appris tant de choses qu'il s'était mis sur le qui-vive. « Madame, » reprit-il en rougissant. Il hésita, puis il dit en continuant. « Pardonnez-moi, j'ai besoin de tant de protection qu'un bout de parenté n'aurait rien gâté. » Madame de Beauséant sourit. Mais tristement. Elle sentait déjà le malheur qui grondait dans son atmosphère. « Si vous connaissiez la situation dans laquelle se trouve ma famille, dit-il en continuant, vous aimeriez à jouer le rôle d'une de ces fées fabuleuses qui se plaisaient à dissiper les obstacles autour de leur filleule. « Eh bien, mon cousin, dit-elle en riant, à quoi puis-je vous être bonne ? Mais le sais-je ? Vous appartenir par un lien de parenté qui se perd dans l'ombre est déjà toute une fortune. Vous m'avez troublée. Je ne sais plus ce que je venais vous dire. Vous êtes la seule personne que je connaisse à Paris. Oh, je voulais vous consulter en vous demandant de m'accepter comme un pauvre enfant qui désire se coudre à votre jupe et qui saurait mourir pour vous. Vous tueriez quelqu'un pour moi ? J'en tuerais deux, fit Eugène. Enfant ! « Oui, vous êtes un enfant, » dit-elle en réprimant quelques larmes. « Vous aimeriez sincèrement, vous ?»« Oh !» fit-il en hochant la tête. La vicomtesse s'intéressa vivement à l'étudiant pour une réponse d'ambitieux. Le méridional en était à son premier calcul. Entre le boudoir bleu de Madame de Restaud et le salon rose de Madame de Beauséant, il avait fait 3 années de ce droit parisien dont on ne parle pas. Quoiqu'il constitue une haute jurisprudence sociale qui, bien apprise et bien pratiquée, mène à tout. Ah, j'y suis, dit Eugène. J'avais remarqué Madame de Restaud à votre bal. Je suis allée ce matin chez elle. Vous avez dû bien la gêner, dit en souriant Madame de Beauséant. Eh oui, je suis un ignorant qui mettra contre lui tout le monde si vous me refusez votre secours. Je crois qu'il est fort difficile de rencontrer à Paris une femme jeune, belle, riche, élégante qui soit inoccupée, et il m'en faut une qui m'apprenne ce que vous autres femmes vous savez si bien expliquer, la vie. Je trouverai partout un monsieur de Trailles. Je venais donc à vous pour vous demander le mot d'une énigme et vous prier de me dire de quelle nature est la sottise que j'y ai faite. J'ai parlé d'un père. Madame la duchesse de Langeais, dit Jacques en coupant la parole à l'étudiant qui fit le geste d'un homme violemment contrarié. « Si vous voulez réussir, dit la vicomtesse à voix basse, d'abord ne soyez pas aussi démonstratif. »

Son imagination, transportée dans les hautes régions de la société parisienne, lui inspira mille pensées mauvaises au cœur, en lui élargissant la tête et la conscience. Il vit le monde comme il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, et vit dans la fortune l'ultima ratio mundi. Vautrin a raison, la fortune est la vertu, se dit-il. Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit pour donner 10 francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde, où il aperçut, comme des animaux à un râtelier, les 18 convives en train de se repaître. Le spectacle de ces misères et l'aspect de cette salle lui furent horribles. La transition était trop brusque, le contraste trop complet, pour ne pas développer outre mesure chez lui le sentiment de l'ambition. D'un côté, les fraîches et charmantes images de la nature sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les merveilles de l'art et du luxe, des têtes passionnées, pleines de poésie. De l'autre, de sinistres tableaux bordés de fange, et des faces où les passions n'avaient laissé que leurs cordes et leurs mécanismes. Les enseignements que la colère d'une femme abandonnée avait arrachés à Madame de Beauséant, ses offres captieuses, revinrent dans sa mémoire, et la misère les commenta. Rastignac résolut d'ouvrir 2 tranchées parallèles pour arriver à la fortune, de s'appuyer sur la science et sur l'amour, d'être un savant docteur et un homme à la mode. Il était encore bien enfant. Ces 2 lignes sont des asymptotes qui ne peuvent jamais se rejoindre. « Vous êtes bien sombre, monsieur le marquis, lui dit Vautrin, qui lui jeta un de ces regards par lesquels cet homme semblait s'initier aux secrets les plus cachés du cœur. « Je ne suis plus disposé à souffrir les plaisanteries de ceux qui m'appellent monsieur le marquis, » répondit-il. « Ici, pour être vraiment marquis, il faut avoir 100 000 livres de rente. Et quand on vit dans la maison Vauquer, on n'est pas précisément le favori de la fortune. » Vautrin regarda Rastignac d'un air paternel et méprisant, comme s'il eût dit « Marmot, dont je ne ferai qu'une bouchée !» Puis il répondit « Vous êtes de mauvaise humeur, parce que vous n'avez peut-être pas réussi auprès de la belle comtesse de Restaud. Elle m'a fermé sa porte pour lui avoir dit que son père mangeait à notre table !» s'écria Rastignac. Tous les convives s'entre-regardèrent. Le père Goriot baissa les yeux et se retourna pour les essuyer. « Vous m'avez jeté du tabac dans l'œil, » dit-il à son voisin. « Qui vexera le père Goriot s'attaquera désormais à moi, » répondit Eugène en regardant le voisin de l'ancien vermicellier. « Il vaut mieux que nous tous. »« Je ne parle pas des dames, » dit-il en se retournant vers Mademoiselle Taillefer. Cette phrase fut un dénouement. Eugène l'avait prononcée d'un air qui imposa silence aux convives. Vautrin seul lui dit en goguenardant. « Pour prendre le père Goriot à votre compte, » et vous établir son éditeur responsable, il faut savoir bien tenir une épée et bien tirer le pistolet. « Ainsi ferai-je, » dit Eugène. « Vous êtes donc entré en campagne aujourd'hui ?»« Peut-être, » répondit Rastignac. « Mais je ne dois compte de mes affaires à personne, attendu que je ne cherche pas à deviner celles que les autres font la nuit. » Vautrin regarda Rastignac de travers. « Mon petit, quand on ne veut pas être dupe des marionnettes, il faut entrer tout à fait dans la baraque et ne pas se contenter de regarder par les trous de la tapisserie. »« Assez causé, » ajouta-t-il en voyant Eugène près de ce gendarme. « Nous aurons ensemble un petit bout de conversation quand vous le voudrez. » Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot, absorbé par la profonde douleur que lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les dispositions des esprits étaient changées à son égard, et qu'un jeune homme en état d'imposer silence à la persécution avait pris sa défense. « Monsieur Goriot, dit Madame Vauquier à voix basse, serait donc le père d'une comtesse à cette heure ?»« Et d'une baronne, » lui répliqua Rastignac. « Il n'a que ça à faire, » dit Bianchon à Rastignac. « Je lui ai pris la tête. Il n'y a qu'une bosse, celle de la paternité. » Ce sera un père éternel. » Eugène était trop sérieux pour que la plaisanterie de Bianchon le fît rire.

Le lendemain, Rastignac alla jeter ses lettres à la poste. Il hésita jusqu'au dernier moment, mais il les lança dans la boîte en disant « Je réussirai ». Le mot du joueur, du grand capitaine, mot fataliste qui perd plus d'hommes qu'il n'en sauve. Quelques jours après, Eugène alla chez Madame de Restaud et ne fut pas reçu. Trois fois il y retourna. Trois fois encore il trouva la porte close. Quoiqu'il se présentât à des heures où le comte Maxime de Trailles n'y était pas. La vicomtesse avait eu raison. L'étudiant n'étudia plus. Il allait au cours pour y répondre à l'appel. Et quand il avait attesté sa présence, il décampait. Il s'était fait le raisonnement que se font la plupart des étudiants. Il réservait ses études pour le moment où il s'agirait de passer ses examens. Il avait résolu d'entasser ses inscriptions de seconde et troisième année, puis d'apprendre le droit sérieusement et d'un seul coup au dernier moment. Il avait ainsi 15 mois de loisirs pour naviguer sur l'océan de Paris, pour s'y livrer à la traite des femmes ou y pêcher la fortune. Pendant cette semaine, il vit deux fois Madame de Beauséant, chez laquelle il n'allait qu'au moment où sortait la voiture du marquis d'Adjuda. Pour quelques jours encore, cette illustre femme, la plus poétique figure du faubourg Saint-Germain, resta victorieuse. Il fit suspendre le mariage de Mademoiselle de Rochefide avec le marquis d'Adjuda Pinto. Mais ces derniers jours, que la crainte de perdre son bonheur rendit les plus ardents de tous, devaient précipiter la catastrophe. Le marquis d'Adjuda, de concert avec les Rochefide, avait regardé cette brouille et ce raccommodement comme une circonstance heureuse. Ils espéraient que Madame de Beauséant s'accoutumerait à l'idée de ce mariage et finirait par sacrifier ses matinées à un avenir prévu dans la vie des hommes. Malgré les plus saintes promesses renouvelées chaque jour, M. d'Adjuda jouait donc la comédie et la vicomtesse aimait à être trompée. Au lieu de sauter noblement par la fenêtre, elle se laissait rouler dans les escaliers, disait la duchesse de Langeais, sa meilleure amie. Néanmoins, ses dernières lueurs brillèrent assez longtemps pour que la vicomtesse restât à Paris et y servît son jeune parent, auquel elle portait une sorte d'affection superstitieuse. Eugène s'était montré pour elle plein de dévouement et de sensibilité dans une circonstance où les femmes ne voient de pitié, de consolation vraie dans aucun regard. Si un homme leur dit alors de douces paroles, il les dit par spéculation. Dans le désir de parfaitement bien connaître son échiquier avant de tenter l'abordage de la maison de Nucingen, Rastignac voulut se mettre au fait de la vie antérieure du père Goriot et recueillit des renseignements certains qui peuvent se réduire à ceci. Jean-Joachim Goriot était avant la Révolution un simple ouvrier vermicellier, habile, économe et assez entreprenant pour avoir acheté le fonds de son maître que le hasard rendit victime du premier soulèvement de 1789. Il s'était établi rue de la Jussienne, près de la Halle au Blé, et avait eu le gros bon sens d'accepter la présidence de sa section afin de faire protéger son commerce par les personnages les plus influents de cette dangereuse époque. Cette sagesse avait été l'origine de sa fortune, qui commença dans la disette, fausse ou vraie, par suite de laquelle les grains acquirent un prix énorme à Paris. Le peuple se tuait à la porte des boulangers, tandis que certaines personnes allaient chercher sans émeute des pâtes d'Italie chez les épiciers. Pendant cette année, le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. Il lui arriva ce qui arrive à tous les hommes qui n'ont qu'une capacité relative. Sa médiocrité le sauva. D'ailleurs, sa fortune n'étant connue qu'au moment où il n'y avait plus de danger à être riche, il n'excita l'envie de personne. Le commerce de grains semblait avoir absorbé toute son intelligence. S'agissait-il de blé, de farine, de grenaille, de reconnaître leur qualité, les provenances, de veiller à leur conservation, de prévoir les cours, de prophétiser l'abondance ou la pénurie des récoltes, de se procurer les céréales à bon marché, de s'en approvisionner en Sicile, en Ukraine, Goriot n'avait pas son second. À lui voir conduire ses affaires, expliquer les lois sur l'exportation, sur l'importation des grains, étudier leur esprit, saisir leurs défauts, Un homme le jugeait capable d'être ministre d'État. Patient, actif, énergique, constant, rapide dans ses expéditions. Il avait un coup d'œil d'aigle. Il devançait tout, prévoyait tout, savait tout, cachait tout. Diplomate pour concevoir, soldat pour marcher. Sorti de sa spécialité, de sa simple et obscure boutique sur le pas de laquelle il demeurait pendant 6 heures d'oisiveté, l'épaule appuyée au montant de la porte, il redevenait l'ouvrier stupide et grossier, l'homme incapable de comprendre un raisonnement, insensible à tous les plaisirs de l'esprit, l'homme qui s'endormait au spectacle, un de ces d'Olibans parisiens fort seulement en bêtises. Ces natures se ressemblent presque toutes. À presque toutes, vous trouveriez un sentiment sublime au cœur. Deux sentiments exclusifs avaient rempli le cœur du vermicellier. On avait absorbé l'humide, comme le commerce des grains employait toute l'intelligence de sa cervelle. Sa femme, fille unique d'un riche fermier de l'abri, fut pour lui l'objet d'une admiration religieuse, d'un amour sans bornes. Goriot avait admiré en elle une nature frêle et forte, sensible et jolie, qui contrastait vigoureusement avec la sienne. S'il est un sentiment inné dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de la protection exercée à tout moment en faveur d'un être faible? Joignez-y l'amour, cette reconnaissance vive de toutes les âmes franches pour le principe de leur plaisir, et vous comprendrez une foule de bizarreries morales. Après 7 ans de bonheur sans nuages, Goriot, malheureusement pour lui, perdit sa femme. Elle commençait à prendre l'empire sur lui, en dehors de la sphère des sentiments. Peut-être eût-elle cultivé cette nature inerte. Peut-être y eût-elle jeté l'intelligence des choses du monde et de la vie. Dans cette situation, le sentiment de la paternité se développa chez Goriot jusqu'à la déraison. Il reporta ses affections trompées par la mort sur ses 2 filles, qui d'abord satisfirent pleinement tous ses sentiments. Quelque brillantes que fussent les propositions qui lui furent faites par des négociants ou des fermiers jaloux de lui donner leur fille, il voulut rester veuf. Son beau-père, le seul homme pour lequel il avait eu du penchant, prétendait savoir pertinemment que Goriot avait juré de ne pas faire d'infidélité à sa femme, quoique morte. Les gens de la halle, incapables de comprendre cette sublime folie, en plaisantèrent et donnèrent à Goriot quelques grotesques sobriquets. Le premier d'entre eux, qui en buvant le vin de marché s'avisa de le prononcer, reçut du vermicellier un coup de poing sur l'épaule qui l'envoya, la tête la première, sur une borne de la rue Aublin. Le dévouement irréfléchi, l'amour ombrageux et délicat que portait Goriot à ses filles, était si connu qu'un jour, un de ses concurrents, voulant le faire partir du marché pour rester maître du cours, lui dit que Delphine venait d'être renversée par un cabriolet. Le vermicellier, pâle et blême, quitta aussitôt la halle. Il fut malade pendant plusieurs jours par suite de la réaction des sentiments contraires auxquels le livra cette fausse alarme. S'il n'appliqua pas sa tape meurtrière sur l'épaule de cet homme, il le chassa de la halle, en le forçant dans une circonstance critique à faire faillite. L'éducation de ces 2 filles fut naturellement déraisonnable. Riche de plus de 60 000 livres de rente et ne dépensant pas 1 200 francs pour lui, le bonheur de Goriot était de satisfaire les fantaisies de ses filles. Les plus excellents maîtres furent chargés de les douer des talents qui signalent une bonne éducation. Elles eurent une demoiselle de compagnie. Heureusement pour elles, ce fut une femme d'esprit et de goût. Elles allaient à cheval, elles avaient voiture, elles vivaient comme auraient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. Il leur suffisait d'exprimer les plus coûteux désirs pour voir leur père s'empressant de les combler. Il ne demandait qu'une caresse en retour de ses offrandes. Goriot mettait ses filles au rang des anges, et nécessairement au-dessus de lui, le pauvre homme. Il aimait jusqu'au mal qu'elles lui faisaient. Quand ses filles furent en âge d'être mariées, elles purent choisir leur mari suivant leur goût. Chacune d'elles devait avoir en dot la moitié de la fortune de son père. Courtisée pour sa beauté par le comte de Resto, Anastasie avait des penchants aristocratiques qui la portèrent à quitter la maison paternelle pour s'élancer dans les hautes sphères sociales. Delphine aimait l'argent.